La première question, peut-être pour nous situer sur le timing de la réalisation de ces projets. Ils commencent quand et sont censés peut-être s'arrêter, alors voilà, s'arrêter à quelle période? Eh bien, il faut savoir que le principe d'investissement des BRICS en Afrique, tel que nous avons formulé dans le plan stratégique BRICS Afrique, porté par l'Alliance des BRICS, parce qu'il faut faire la différence entre les BRICS et l'Alliance des BRICS. Les BRICS, c'est les 5 pays dont il est question, et l'Alliance des BRICS a pour rôle d'établir un pont entre les BRICS et les non-BRICS. Et donc, c'est vraiment l'une des dernières organisations nées qui fait ce travail-là. Elle est dirigée par une Russe qui a initié ce programme d'établissement de liens entre les pays BRICS et les pays non membres de BRICS. Et donc, le plan stratégique qui a été élaboré, c'est qu'il faut que ces projets-là soient portés d'abord par l'expertise, par les différents États et par l'expertise nationale. Or, le drame dans la plupart des pays africains, c'est que nous n'avons pas un pôle d'experts dédié à la conception et à la mise en œuvre des grands projets de l'État. Ce pôle d'experts-là, tant que ça n'existe pas, et que nous avons de petits pôles d'expertise au niveau des différents ministères, eh bien, on ne pourra pas faire de grands projets, sinon que de petits projets. Et donc, la première condition que nous avons posée, c'est la mise en place d'un comité de pilotage et d'un pôle d'expertise. Le comité de pilotage va permettre de coordonner et d'être le guichet unique des projets du BRICS en Centrafrique. Et le pôle d'expertise va être le pôle de préparation, de conception. Parce que ce qu'il faut éviter, ce qu'on voit d'une manière classique, c'est qu'un opérateur économique vient avec son projet. Voilà. Et il cherche à réaliser son projet, qui peut être soit en phase avec le désir de l'État en question, soit complètement en opposition de phase. Mais comme il envoie de l'argent, souvent on le laisse faire. Et donc on arrive à une certaine incohérence en matière de développement. Or là, il faut inverser complètement le processus. Le projet doit être porté par l'État et doit être conçu par les experts du pays. Et les partenaires viennent en accompagnement. Mais ils ne viennent pas en accompagnement seuls. Ils doivent venir avec eux des entreprises africaines, une expertise africaine qui soit capable de reprendre en main le projet et de ne plus avoir besoin de qui que ce soit demain pour faire exactement la même chose. Voilà les principes de base. Donc, le chronogramme des actions sera établi par le pôle d'experts qui a été mis en place. Et c'est ce chronogramme-là qui va être négocié avec les différents partenaires financiers et techniques pour la mise en œuvre du projet. Mais on connaît le cycle des projets. Généralement, c'est une année de conception, une année de recherche de financement et 2 ans de réalisation. Ça, c'est en gros. Maintenant, il y a des projets qui sont plus ou moins avancés, plus ou moins conçus, ou pour lesquels les investissements sont déjà bouclés. Et donc, ça peut aller très rapidement. Et donc, c'est comme ça qu'il faut se concevoir. Donc, il faut le concevoir en termes de chronogramme qui sera élaboré par les experts centrafricains. Et par chance, on a trouvé un parterre d'experts qu'il faut tout simplement mettre dans un cadre institutionnel pour les organiser en pôle d'expertise pour la conception et la mise en œuvre de ces grands projets. Donc, voilà ce que je peux dire pour nous, pour le chronogramme. Donc, disons, c'est le cycle classique d'un projet. Mais le début et la fin sera déterminé par l'État centrafricain à travers ses experts. Mais on Maintenant, apprendra davantage si on veut. en guise de financement que les projets seront donc exécutés outre donc ce panel d'experts locaux. Les projets seront donc exécutés et financés effectivement par des hommes d'affaires des pays membres de l'Alliance, signataire effectivement de la convention avec le gouvernement centrafricain. Et tout à l'heure, vous nous disiez qu'il fallait faire un véritable distinguo entre l'Alliance des BRICS et les BRICS. Cette fois-là, pour le cas de l'exécution dans le volet financier, ce sera donc fait par les membres, par des pays membres de l'Alliance signataire de la convention avec le gouvernement centrafricain. Est-ce qu'on peut en savoir davantage, M. Sawadon Milo? exemple, quand je parle de pont entre les BRICS et les non-BRICS, c'est un partenariat BRICS-non-BRICS. Partenariat au point de vue expertise, partenariat au point de vue entreprise et partenariat au point de vue relation entre les États. Je m'explique. Je prends par exemple le projet d'infrastructure satellitaire et de télécommunications et de télédétection. C'est un projet qui a été proposé parce que la Centrafrique, vous savez aujourd'hui, traverse plusieurs difficultés. On dit que c'est un pays qui est très riche, mais la Centrafrique n'est pas capable aujourd'hui de donner la quantité et la qualité de l'ensemble des richesses de son sous-sol. On sait que la Centrafrique est en train de bâtir sa sécurité, mais aujourd'hui, la Centrafrique n'a pas un moyen d'identifier et de détecter les armes en circulation sur l'ensemble de son territoire. Or, la seule façon de défendre un pays, c'est d'avoir accès à l'information. Où se trouve l'ennemi? Quels sont les moyens que l'ennemi possède et comment intervenir pour neutraliser cet ennemi-là? Les villes sont certes sécurisées aujourd'hui, mais nous savons qu'il y a des rébellions, des poches de rébellions dans plusieurs campagnes qui souvent même sont inaccessibles. Donc, ce projet satellitaire-là va permettre non seulement de détecter et de quantifier l'ensemble des richesses du pays, mais aussi de détecter et de quantifier l'ensemble des mouvements rebelles qui opèrent sur ce vaste territoire-là. Et donc de mener en place une véritable politique pour sécuriser la totalité du continent. Donc cet instrument important, qui a un aspect économique, mais un aspect sécuritaire, de renseignement et d'information, eh bien ce projet-là, il est porté par l'Inde. Et donc ce projet qui est porté par l'Inde, évidemment l'Inde ne porte pas seul le projet, il le porte, mais il travaille avec les autres pays membres des BRICS, et souvent même les pays non membres des BRICS. Et ce projet-là, évidemment, il leur faut un partenaire local. Donc, il y aura une agence spatiale qui va être créée par l'État centrafricain, qui sera le partenaire technique de l'opérateur BRICS qui est identifié. Donc ça, c'est le premier niveau de partenariat, pour qu'il y ait un copilotage de ce projet-là. Le deuxième niveau de partenariat, c'est que les bureaux d'études privées qui vont étudier ce projet, il y aura des bureaux d'études privées BRICS, mais aussi des bureaux d'études privées africains, c'est-à-dire centrafricains ou africains. Et à ce niveau-là aussi, c'est le deuxième niveau de partenariat. Et au niveau d'exploitation du système satellitaire qui sera mis en place, c'est le même niveau de partenariat. Il y aura des Africains, et il y aura des experts d'origine BRICS qui vont piloter. Mais en fin de compte, le pilotage total doit revenir aux Africains eux-mêmes. Parce que c'est ça le but de la coopération. C'est de nous aider à nous passer de l'aide. Voilà. Et sur les infrastructures satellitaires et télécommunications, l'objectif c'est ça, c'est de doper la Centrafrique et au-delà de la Centrafrique, parce que ça couvre tout le continent africain, c'est de doter les pays africains d'un instrument d'identification de leurs propres richesses, mais aussi de leurs propres adversaires et ennemis. Aujourd'hui, le djihadisme ne peut pas se combattre seul en se promenant avec des armes pour les chercher dans la brousse ou tirer sur eux. Il faut pouvoir les identifier. Et il faut pouvoir les détecter et il faut pouvoir opérer des frappes chirurgicales pour les anéantir. Donc, c'est un instrument important de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les insécurités en général. Maintenant, quand je prends le deuxième système, qui est le système de production d'énergie à partir de l'énergie solaire, on sait tous que le besoin en énergie est énorme en Afrique. On sait tous que nous sommes dans une dynamique de décarbonisation de l'économie. Et donc, dans ce contexte-là, le choix des ressources énergétiques est très important. La Centrafrique a choisi l'énergie nucléaire pour deux raisons. Non pas parce qu'elle n'a pas d'eau, mais une centrale hydroélectrique, la moyenne pour réaliser ça, c'est 5 ans. Bon, s'il faut attendre 5 ans avant d'être éclairé, bon, on veut bien, mais ça mettra énormément de temps. Or, les mini-centrales centrales nucléaires produisant pratiquement une même puissance qu'une grande centrale hydroélectrique ne prend qu'une seule année. C'est des groupes, des sortes de groupes électrogènes préfabriqués dont on installe et dont on met en place un système de refroidissement. Et ce qui permet très rapidement de couvrir le territoire de la puissance énergétique voulue. Et comme c'est des kits, eh bien, en fonction des besoins, on peut les multiplier pour satisfaire les besoins exprimés de ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ce choix a été fait. Mais c'est un partenariat russe-centrafrique. Et donc, l'expertise sera russe et centrafricaine. Il y aura des experts centrafricains formés en Russie qui vont participer à part égale à ce projet-là. C'est comme la gestion, la construction et la gestion. Ça sera aussi un niveau partenaire pour qu'à terme, la centrale soit entièrement pilotée et que l'Afrique maîtrise l'énergie, cette énergie-là, sur son propre sol. Donc, voilà un peu la logique. Maintenant, il y a des infrastructures de désenclavement telles que le chemin de fer qui rencontre un peu la route de la soie qui part de la Chine mais qui vient au Soudan et qui traverse le Soudan, passe par la Centrafrique pour sortir vers le Cameroun à travers ce chemin de fer-là. Et puis un aéroport de premier plan qui serait un peu, je vais dire, le Dubaï africain. C'est-à-dire un carrefour dans la mesure où la Centrafrique est vraiment au cœur du continent africain. Et il est plus facile d'aller de la Centrafrique à n'importe quel point cardinal du continent africain. Et donc, cet aéroport-là est conçu de telle sorte que ça soit un aéroport vraiment continental. Voilà un peu pourquoi ces choix-là ont été offerts. Maintenant, quand on prend le projet d'or, justement, c'est là la politique monétaire de la Centrafrique. Là, on sait que la Centrafrique possède beaucoup d'or, beaucoup de diamants. Mais cet or et ce diamant-là, eh bien, ça est dans la brousse. Il n'y a aucune infrastructure pratique pour aller chercher cet or-là et il n'y a aucune technologie que ce pays possède pour aller exploiter cet or-là à grande échelle. Aujourd'hui, la plupart de l'or est exploité d'une manière informelle et l'État lui-même n'est même pas bénéficiaire de cet or-là. Il faut passer donc de ce stade informel-là à un stade beaucoup plus formel. Donc, l'opérateur qui a été choisi, c'est un opérateur qui va produire de l'or pour la banque, disons pour l'État africain, l'État centrafricain, à travers sa banque centrale. Et la base de sa monnaie digitale, et j'ai bien aimé la précision qu'a apporté notre ami François, la différence entre le Bitcoin et la monnaie digitale. La monnaie digitale centrafricaine sera basée sur sa quantité d'or et de diamants. Ce qui fait que l'or et le diamant africain ne sera pas bradé, mais va servir de sous-bassement à son économie et à son échange avec son milieu extérieur, puisque aujourd'hui, vous voulez échanger avec les pays des BRICS, mais malheureusement, votre réserve est en euros, l'euro qui ne vaut plus rien en Russie, donc les Russes sont plus prêts à accepter, ou en dollars qui ne vaut plus rien au niveau des BRICS. Donc, tant que l'Afrique va raisonner en termes d'euros et de dollars, eh bien, l'Afrique sera en dehors du phénomène BRICS. Et pour combler cela, l'or a été un projet phare et important, mais aussi une banque indienne va s'installer en Centrafrique pour servir de lien entre, entre la Centrafrique et les autres pays BRICS qui échangent maintenant entre eux en monnaie locale. Et donc, il sera possible d'initier des échanges avec les pays BRICS en monnaie locale à partir de la banque indienne qui sera installée et qui sera un peu le lien entre la Centrafrique et les pays BRICS. Voilà comment est-ce que ces projets-là ont été conçus et structurés. Et le dernier, le grand projet, c'est la ville nouvelle, c'est-à-dire créer des villes en même temps écologiques, en même temps intelligentes et en même temps, je vais dire, possédant toutes les fonctions d'une ville, fonction de logement, fonction industrielle, fonction commerciale, fonction de loisirs, fonction de formation, fonction de santé, etc., etc., et de tourisme. Donc, toutes ces nouvelles fonctions-là qui caractérisent les nouvelles villes modernes du monde, eh bien, c'est ce concept-là qui va être mis en œuvre pour créer la ville nouvelle de Centrafrique. Donc, voilà un peu Comment est-ce que... Ben, il faut dire que ces projets-là ont été faits en partenariat avec l'État centrafricain. Il y a eu près de 30 projets, puis une cinquantaine d'opérateurs. Mais évidemment, pour ne pas aller dans tous les sens, il fallait choisir les projets stratégiques qui vont structurer un peu l'ensemble du développement et définir le futur de la Centrafrique et en même temps le futur du continent africain à partir de ce levier centrafricain. Donc voilà un peu comment les projets ont été identifiés. Donc on a identifié 7, mais il y a d'autres projets qui ont été choisis qui ne font pas partie du portefeuille stratégique que nous avons défini, mais qui au fur et à mesure vont se greffer autour de ces 7 projets stratégiques-là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en termes de cas pratiques de mise en œuvre de la coopération BRICS-Afrique. Afrique Média, le monde, c'est nous.